Chapitre 185. Le mérite des ablutions. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, Junoub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Sourate 5, verset 6. 1024. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Ma nation sera appelée le jour de la résurrection, avec sur le visage et l'extrémité des membres la marque blanche et éclatante des ablutions. » Abu Huraira ajouta: « Quiconque parmi vous peut élargir la marque de ses ablutions sur le visage, qu'il le fasse. » Al-Bukhari et Muslim. 1025. Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit: « J'ai entendu mon bien-aimé, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « La parure du croyant couvrira au paradis les parties de son corps atteintes par l'eau des ablutions. » Muslim. 1026. D'après Othman ibn Affan, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque accomplit ses ablutions avec soin verra son corps débarrassé de ses péchés, même de ceux situés sous ses ongles. » Muslim. 1027. Othman ibn Affan, radiallahu anhu, a dit: j'ai vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, faire ses ablutions comme je viens de le faire, puis dire: quiconque accomplit ses ablutions de cette manière verra ses péchés antérieurs effacés. Ses pas vers la mosquée pour y accomplir la salat étant des moyens supplémentaires d'être récompensés. Muslim. 1028. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsqu'un musulman ou un croyant, au cours des ablutions, lave son visage, chaque péché qu'il a commis avec ses yeux en sort avec l'eau ou la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il lave ses mains, chaque péché qu'il a commis à l'aide de ses mains en sort avec l'eau ou la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il lave ses pieds, chaque péché commis avec ses pieds en sort avec l'eau ou la dernière goutte d'eau, si bien qu'il sera, à la fin de ses ablutions, pur de tout péché. Muslim. 1029. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se rendit un jour au cimetière où il dit « Que la paix soit sur vous, ô habitants croyants de ces demeures. Nous vous rejoindrons bientôt par la volonté d'Allah. J'aimerais tant voir mes frères. » « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères ?» dirent les gens. « Vous, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après vous. » répondit-il, alayhi salatu wassalam. « Ô messager d'Allah, comment pourras-tu reconnaître ceux de ta nation qui ne sont pas encore nés ?»« Imaginez, dit-il, alayhi salatu wassalam, un homme possédant des chevaux avec une tache blanche sur le front et les pattes, au milieu d'autres chevaux totalement noirs. Ne pourrait-il pas reconnaître ses propres chevaux ?»« Bien sûr que si, ô messager d'Allah, dirent-ils. » Ils viendront, mes frères, le jour de la résurrection, les visages et les membres illuminés de blancheur par les ablutions, et je les devancerai auprès du bassin, Al-Hawd. Muslim. 1030. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Voulez-vous que je vous indique des œuvres par lesquelles Allah efface vos péchés et vous élève en degré ?» « Oui, ô messager d'Allah, » répondirent les compagnons. Ils dirent, alayhi salatu wassalam, « Effectuez les ablutions avec soin, malgré les désagréments. Multipliez les pas vers la mosquée et y attendre la prière suivante. Ceci équivaut à monter la garde pour protéger les musulmans de l'ennemi. » Muslim. 1031. D'après Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La purification représente la moitié de la foi. » Muslim. Le hadith a déjà été cité entièrement dans le chapitre sur la patience, numéro 3. On pourrait également citer dans cette partie le hadith numéro 438, plein d'enseignements, de Amr ibn Abasa, déjà mentionné au chapitre sur l'espérance. 1032. Selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Personne parmi vous n'accomplit ses ablutions avec soin et dit « Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah seul sans associé et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » sans que les huit portes du paradis ne s'ouvre devant lui, le laissant entrer par celle de son choix. Muslim. Dans la version rapportée par At-Tirmidhi, figure ce complément. « Ô Allah, place-moi au nombre de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. »